Stéphane Doucouré, Doug Saga dit la sagacité, le créateur du coupé décalé. L'ennemi de l'homme c'est l'homme, les gens n'aiment pas les gens, en fait des brodada. Seul le travail paye, silence ici on travaille. Le feu c'est le feu, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. David Guerre, Fatiga de Milano, Lilo Versace, Chapouli, Dankoff, le champion. Une danse qui a été créée là, décalé coupé. Celui qui l'a créé s'appelle Sagacité. Y'a une danse qui a été créée là, wow wow wow. Décalé coupé. Celui qui l'a créé s'appelle Sagacité. On l'appelle Touge Saga, oh, oh, oh. C'est mon frère, le créateur du décalé coupé. Floco 2, y'a foy. Décalé coupé. Décalément, décalément, décalément. Sagacité. Coupé, coupé, coupé. Décalé coupé. Travailler, travailler, travailler. Sagacité. La gobeille, le mola. Mibi Versace, Joe Papi. On est où là? La Sissi, la Gelset. Solo mama solo, solo, solo papa solo, solo, solo mama solo, solo, solo papa solo, solo, a crier, décalé, a décalé, décalé, Boro Sangui a montré, montré, Sagacité a crié, crié, des bamba a dansé, et solo béton a pressé, a coupé, oh, a coupé, a décalé, oh, a décalé, tout à la London, coupé, tout à la Bruxelles, décalé, tout à la New York, coupé, tout à la Genève, décalé, dans la Abidjan, coupé, dans la Yakro, décalé, dans la Wake, coupé, dans la Daloa, décalé, coupé à coupé, décalé à décalé, coupé à coupé, décalé à décalé, coupé à coupé, décalé à décalé. Et ma copine en dit le jet set, ils sont dans la voie d'or. Et puis ça, sans trop me frôler, hein, parce que y'a le jet set là, ils ont trop les foutaises. La Sissi, salut. Don Mike le Gourou, Hassan le Kou, Bokolo Bongo, Fabrice Tiako, Thierry Kofi, Daouda Faya, Big Manager. Décalément, décalément, s'envolement, décalément, coupé, s'envolement, fouetté, fouetté, Sagacité, équilibré, petit vélo, pédalé, coupé, pédalé, en décalé, décalé, Sagacité, décalé, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, décalé, s'envoler, Sagacité, s'envoler, équilibré, équilibré, équilibré, équilibré, décalé, donc off. Sagacité, décalé coupé, Sagacité, souba, décalé coupé, on est où là? Chacoulé, chacoulé, chacoulé, molaré, chacoulé, molaré, Versace, Versace, Alino Bamba, on est où là? Sagacité, fouetté, fouetté, fouetté, décalé coupé, fouetté, s'envoler, s'envoler. Pédaler, pédaler, pédaler, petit vélo, pédaler, pédaler, Sagacité.